Salut à tous et à toutes, c'est Génération Manga, épisode 551. On va vous parler de plein de choses, on va vous parler bien sûr de Power Rangers puisque j'ai vu le nouveau film. Salut Chris. Salut. Et toi, qu'est-ce que tu veux nous raconter, Titebo? Alors effectivement, vu que tu es maso, tu as été voir Power Rangers. Non, je suis pas maso, c'est parce que j'ai gagné la place. Donc, puisque c'est gratuit. Tu es quand même maso. Eh ben non, figure-toi qu'il était bien. Mais ben, je vais y revenir. Voilà, mais tu me fais peur. Ah alors. Ouais, non, mais je vais y revenir. C'est bien parce que c'est pas Power Rangers, mais j'y reviendrai. Je t'en parlerai plus en détail. Donc du coup, une petite chronique intéressante peut-être. Absolument, j'aurais absolument quelque chose à dire. Bah écoute, le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Mais avant de parler du film de Power Rangers, je voulais revenir un petit peu sur ce qui se passait avant. Un petit peu... Qu'est-ce qu'il y a? Un peu fort? C'est une private joke. Voilà, vous ne pouvez pas comprendre, c'est entre nous. D'accord. Je parle un petit peu fort, voilà. Non, je voulais revenir un petit peu sur les origines du jean, parce qu'il y a eu une présentation. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous. Il y a eu des avant-premières un petit peu partout. Et donc, j'imagine que selon les intervenants, les avant-premières ont été différentes. Mais je suis bien content de constater que l'avant-première à Clermont-Ferrand a été faite par des gens qui s'y connaissaient, qui ont parlé des vrais Sentai, qui ont parlé des trucs avec Saban et tout, et qui ont tout bien expliqué comme il faut, alors que j'y étais absolument pour rien, que je ne les connaissais pas, ces gens-là. Donc j'étais agréablement surpris, dirons-nous. Tu vois ? Donc déjà, bon point de ce côté-là. Ah, donc effectivement, comme tu le soulignes, donc c'était des avant-premières. La sortie officielle est... Mercredi. Voilà, ouais, donc si vous n'êtes pas allé à l'avant-première, vous ne pouvez pas encore y aller, il faut attendre encore deux petits jours. Voilà, c'était dans le réseau, si je ne dis pas de bêtises, UGC, hein, c'est ça ? Non, CGR. Ah, parce que c'est uniquement eux qui faisaient les avant-premières ? Oui, ils avaient l'exclusivité, d'accord, comme ça avait été le cas d'ailleurs à l'époque, pour le film de Dragon Ball Z en 3D. C'est vrai. Et, non, mais eux, c'était encore pire, parce que non seulement ils avaient l'avant-première, c'était carrément les seuls à l'avoir tout court. Ah, d'accord. Et les autres n'avaient carrément pas eu le film, donc c'est encore pire. Donc, dit que là, c'est juste qu'ils l'ont avant, mais voilà, c'est pas... Bon. Alors, les origines du jean, parce que comme vous le savez, donc au risque de me répéter, hein, le Power Rangers c'est pas américain, hein. Enfin si Power Rangers c'est américain, mais je veux dire ce sont des séries japonaises à la base, qui ont été reprises et trafiquées par les américains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si Saban est parvenu à ses fins en 1992, donc en transformant Zoolanger en Power Ranger, il avait déjà fait des essais avant. Donc ça date pas d'hier, cette petite histoire. Donc en fait, la première tentative de faire des Sentai à l'américaine, ça date de Battle Fever G, qui est une série japonaise, elle, pour le coup, et donc dans laquelle on voit que les protagonistes sont censés représenter divers pays. Donc il y a Battle France, Battle Kenya, tout ça, donc il s'appelle Battle quelque chose. Et donc c'était le premier essai, et apparemment c'était en corrélation avec Marvel que ça s'était fait, ces histoires-là. Ce qui explique que plus tard, on a eu droit à un Spider-Man, enfin Spider-Man, japonais. Donc oui. La Toei a pu faire une taille, enfin Tokusatsu de Spider-Man, où en fait c'est la Spider-Man que le costume, en gros. Il a un robot géant comme tout le monde, et il affronte des méchants qui ont rien à voir avec ceux des comics. Donc voilà, mais sachez qu'il y a une série live avec Spider-Man. Avec une réalisation un peu kitsch, hein, mais ouais. Ça se laisse encore regarder, style clin d'œil, quoi. Voilà, c'est agréable à regarder. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour l'histoire de Tokusatsu, ça a été la première avec un robot géant. Donc, alléluia, mes et enfants. Et des musiques de Watanabe, le même monsieur Watanabe qui a fait les musiques de Gaban. Alors, petite anecdote, comme vous le savez, donc il y a un double CD de Gaban qui est sorti au Japon il y a quelques années, mais où on n'a pas toutes les musiques qu'on peut entendre dans l'anime. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des thèmes qu'on entend. Tu veux dire dans Gaban. La série live, parce que tu as dit dans l'anime. Oui, pardon. Ah, donc, dans la série live. Donc, il y a des thèmes qu'on entend, en fait, mais qu'on ne retrouve pas sur le CD. Pourquoi ? Parce que tout simplement, certains de ces thèmes, pas tous, mais une bonne partie, sont avaient copiés, d'ailleurs, été composés pour Spider-Man, pour autre chose. Donc de Watanabe, et on peut les recycler. Entendre, voilà, d'accord, dans Spider-Man. D'accord. Souvent les compositeurs font ça, ils réutilisent. Ah bah en l'occurrence la célèbre musique de fin d'XOR, bah il fait une autre version dans Sharivan, dans Shader. Tu vas me dire ça c'est à peu près normal. Voilà, mais il a fait aussi ça monsieur. Dans un animé pour le coup, Dengayo. C'est toujours le même monsieur. Donc, voilà. Donc il saoule pas trop. Ça nous rappelle un petit peu notre ami français, enfin compositeur français d'adoption Vladimir Kosma, qui recycle aussi certains de ses thèmes. Qu'il a composé pour des films, dans des séries. C'est le cas, par exemple, pour Les Mondes Engloutis, on vous en a déjà parlé. Absolument. Donc ça, c'était le premier coup d'essai, mais bon, ça n'avait pas donné grand-chose, c'était juste rester au Japon, donc ça allait. Mais ça, saviez-vous que Bioman a failli être américain. Notre Bioman. Ouais, a failli être américain. Donc apparemment, il existerait même un épisode pilote qui a été tourné avec Marc Dacascos, Donc qui a joué bien sûr dans le film de Crying Freeman, oui, dans le Pacte des Loups, dans Kickboxer 5. Donc ça parle aux amateurs, hein, Marc Dacascos, la série The Crow aussi, qui est bien d'ailleurs. Et donc il existera un pilote donc qui est introuvable, invisible pour l'instant, mais donc ils avaient essayé de faire déjà un bioman américain. Donc t'imagines que dans un monde horrible, on aurait pu ne jamais avoir aucun Sentai japonais puisqu'on aurait eu directement les versions américanisées des bioman. Donc on a échappé à ça heureusement. Et puis finalement, le coup près est tombé en 92. Ils ont réussi à se mettre d'accord et à nous faire donc les pauvres rangeurs. Voilà, de triste mémoire. Leur fameux contrat avec les Japonais. Voilà. Alors le problème, si tu veux, c'est pas qu'ils nous fassent une version américanisée pour les Américains. C'est leur problème, ça, je m'en fous. Mais le problème, c'est que c'est toute l'Europe qui en hérite aussi. Voilà. Le problème, c'est qu'ils nous refilent à nous. Voilà. Et que du coup, ils nous empêchent d'avoir les originaux japonais, voilà. Alors qu'avant, on les avait, les originaux japonais. Donc, par contre, peut-être qu'il y a une distinction pour le Brésil, non? Parce que je crois que les Brésiliens sont très fans de ça et peut-être qu'ils ont le droit d'avoir les vrais eux. Le Brésil est le deuxième marché mondial pour tout ce qui est toku, donc série de toku, Sentai, Metal Hero, etc., compagnie. Et ils ont eu beaucoup, oui, c'est vrai, c'est le cas, beaucoup de séries version originale, donc version japonaise, que nous n'avons pas pu avoir en France et en Europe. Voilà. Et puis eux, ils ont dû les avoir en entier aussi, parce qu'à l'époque, ils les ont eu en entier. Il y a le marché vidéo qui se porte très bien là-bas. Et ce qu'il faut dire, c'est que certains artistes qui interprètent des génériques de tokusatsu, donc je pense à Kushida, notamment à Kageyama, font des concerts là-bas. Vont régulièrement faire des concerts au Brésil ou en Amérique du Sud, au Pérou notamment, où ils rencontrent un vif succès, contrairement à chez nous, où à part l'événement qu'il y a pu y avoir en 2013, dont on a assez... et largement parlé dans l'émission, qui reste donc une exception. Nous n'avons pas cette chance-là. Eux, c'est régulier. Chaque année, donc ils alternent, hein, les artistes. Ils arrivent à plusieurs. Ils ont le Toku Fest, par exemple. Mm-hmm. Je ne sais plus le terme exactement, mais ça correspond à ça. Et ils ont un concert énormissime en plein air avec des centaines de milliers de personnes. Et c'est vraiment un truc de fou, quoi. Ah, donc, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Brésil, ils reprennent les génériques originaux japonais et les chantent en brésilien. Exactement. En portugais, je sais pas ce que c'est le Brésil, dialecte. Voilà, Brésil, c'est du portugais. C'est du portugais au Brésil, voilà. Moi, j'y connais rien en langue. Hein. Je vous passe, les sorties de disques, puisque ils ont eu pas mal de soundtracks, etc., qui sont sortis là-bas. Ça peut être intéressant, parce que peut-être que c'est moins cher d'acheter le CD brésilien. Oui, mais pour que... un puriste, il voudra toujours le. Oui, le Columbia ou le machin. Pressage, voilà, le Nippon Columbia, le truc japonais. Mais c'est vrai qu'ils assurent les Brésiliens et voilà. Il n'y a pas photo. Quoi, et est-ce qu'ils ont pressé ça en disque aussi au Brésil? Il y a des disques. Il y a des vinyles C'est ce que j'entends par là. Vinyle. CD, oui. Vinyle, on vérifiera puis on vous dira ça. En ça tout peut cas, être intéressant à savoir. Les séries en DVD, les soundtracks en CD, ça, ils ont eu. Oui. Donc voilà, donc finalement, en 92, donc ça finit par se faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chaînes américaines n'ont pas voulu de Power Rangers, donc Saiban a dû vraiment dealer et les forcer un petit peu. Donc il y avait d'abord une première commande de 13 épisodes, histoire de pas se mouiller. Ouais, mais ça plaira jamais. Et puis bon, ça a plu. Hein, puis après, c'est parti comme en 14. Hein. Donc on sait ce que ça a donné par la suite. Hein. Donc voilà. Voilà, on vous précise bien. Pour les versions américaines, donc de Power Rangers par exemple, donc en civil, c'est les acteurs américains, mais les scènes de combat, etc., c'est tiré de l'original japonaise. Donc en fait, ils ne sont pas dans le costume, les gars. Ils ne font pas les cascades, attention, c'est important. Non, ils prennent carrément le métrage japonais, donc ils prennent la même séquence dans Zoolandia et ils vous la collent dans Power Rangers. Donc on peut dire qu'ils font de la figuration, nos américains, là, sur le coup. Oui. Alors si vous êtes fan de Sentai, le Power Rangers. Ça a la couleur du Sentai, ça a l'odeur du Sentai, mais ce n'est pas du vrai Sentai. C'est du Canada Dry. Ce n'est pas du vrai Sentai. Alors, j'ai une petite anecdote pour les fans de Power Rangers, parce que malheureusement, il y en a, les pauvres, je leur en veux pas. Ils ont été élevés à ça, ils n'ont jamais vu les vrais, c'est pas de leur faute. Après, ce qu'il faut, c'est passer au-delà de tout ça. Zach, le premier Ranger noir, donc il était noir, il lui manquait un doigt, figure-toi, l'acteur. Donc, C'est embêtant. Si vous n'avez pas remarqué, il lui manquait un doigt. Donc, si vous revoyez les vieux épisodes, vous ferez attention. Et il lui manquait un doigt. Je savais pas non plus. J'ai appris ça récemment. Donc, il y a un problème de raccord avec les scènes, non? Ah, oui, du coup, quand il est transformé, il doit avoir ses 5 doigts, j'imagine, de fait. Voilà, un peu curieux, mais. Voilà, donc, sachez-le. Donc, c'est un petit truc. Alors, bien sûr, il n'y a pas que Power Ranger qui a subi les affres de l'américanisation. Malheureusement. Il y a aussi les B-Fighters qui sont devenus les Beetleborgs. Alors là, les Beetleborgs Metallics, là, du coup, ils n'en avaient plus rien à voir avec le truc original, puisque là, c'est des enfants qui grandissent, soi-disant, en version américaine, alors qu'en japonais, c'est des adultes déjà de base, quand même, même en transformation. Mmh. Entre autres choses, il y a aussi une maison hantée avec des monstres qui n'a pas lieu d'être, et puis ils sont fans de comics, ça n'a pas lieu d'être non plus, hein. Tout ça, c'est du caca. Donc voilà. Et puis, bien sûr, nos grands Metal Heroes, nos chers Spilvan, Metalder et Ischeder qui ont été transformés en VR Troopers de sinistre mémoire. Ça, c'est ce qui a été de pire. Et alors là, ce qui est bien avec cette série-là, c'est qu'elle n'a pas marché en France. Et pour cause, on avait vu les vrais avant. On avait vu les vrais Spilvan et les vrais Metalder. Alors quand on a vu VR Trooper, what the fuck. Sans compter qu'en plus, là, il y a un faux raccord puisque les Américains n'ont pas eu les vrais scaphandres japonais. Ils ont fait leurs propres scaphandres qui ressemblent pas du tout. Qui sont un mauvais cosplay avant l'heure. C'est donc, une mauvaise contrefaçon. Là, du coup, t'as aucun mal à faire le distinguo entre les scènes américaines et les scènes japonaises, vu qu'ils ont pas le même scaphandre. Tu vois, ça crève les yeux, quoi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, donc en France, ça nous a privé de certaines séries. Ouais. Mais faut expliquer pourquoi finalement on n'a pas eu ces séries. On va rappeler ça donc à nos. Bah, nos c'est auditeurs. Une histoire de deal, quoi, avec Bandai et tout. C'est une histoire de contrat. Donc en fait, Saban qui distribuait entre autres. Il y avait les droits exclusifs pour ces séries. Hors Japon. Bien que le Japon ait quand même diffusé Power Rangers. Voilà, c'est une exception. Voilà. Mais donc, ils avaient, on va dire, l'exclusivité pour l'Europe. Mmh. Et donc, on ne pouvait pas... En fait, pour tout le monde, hors Asie et peut-être Brésil. Mais ce qui nous intéressait, c'est l'Europe. Voilà. Et donc, ce qui privait certaines sociétés, par exemple françaises, de pouvoir diffuser et acheter directement... les séries japonaises, parce qu'il y a un blocus. Les droits étaient bloqués. Voilà. On t'empêche de voir les vrais. C'était vraiment une connerie, ce truc-là, ce contrat. Absolument. Mais bon, ça a arrangé bien Bandai, parce que Bandai, ils ont tellement jamais autant vendu que depuis que c'est devenu Power Rangers, malheureusement. Voilà. Et ça s'est répercuté aussi sur les jouets, parce que Saban, petit finot, il dit « Oui, mais attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre les jouets le même prix, mais on va les faire moins cher, nous. » Donc, on fait un sous-genre du robot. Alors, avant, les différences n'étaient pas énormes entre la version japonaise et la version américaine. C'est des petits autocollants avec un éclair, symbole de Power Rangers, quelques couleurs qui peuvent être un peu moins flashy. Alors que depuis quelques années, c'est carrément un autre moule. C'est-à-dire que le robot qu'on nous fait pour la version Power Ranger, il est carrément moins grand, il est carrément plus en plastique et tout. Donc, il y a une vraie différence, mais flagrante, entre la version japonaise, donc du Sentai japonais, et la version américaine. Je vous rappelle que c'est les mêmes robots, à l'écran c'est les mêmes, mais en jouet c'est pas les mêmes. Et même, pareil pour le reste, les flingues, les machins, tout est beaucoup de moins bonne qualité, alors que c'est quand même du Bandai officiel et que tu le payes le même prix. Donc c'est un scandale. Voilà, on peut déplorer ce contrat. Tous les puristes d'ailleurs crient haut et fort que c'est un scandale, ce qui n'est pas faux. Bah oui. Puisque les Japonais, moyennant ce contrat, financent, ont accepté de ce blocus, entre guillemets, l'exclusivité des droits aux Américains. Qui a privé le reste du monde, hors Japon, comme tu as dit, hors Asie, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi en Indonésie, etc., où ils sont fans de toku, on ne l'a pas dit, mais c'est un pays, par exemple, l'Indonésie, où le toku, en général, Sentai, etc., est très populaire, beaucoup plus que les animés, et où on a eu les originaux aussi. Voilà, et en plus, je crois que c'est eux qui s'amusent à faire aussi leur propre version maintenant. Oui, ils font du... Ouais, parce qu'apparemment, il y a Kyoryuger, qui a la version japonaise, la version Power Rangers américaine, et puis maintenant, tu as carrément une version indonésienne aussi, à leur sauce. Moi, je dis, il faut faire une version française, t'as qu'à faire. Donc finalement, l'histoire du toku en Europe, même s'il y a eu des séries et pas mal en France à l'époque du Club Dorothée, ça reste quand même marginal en Europe, le toku finalement. Oui, oui, et puis ça marche beaucoup moins bien pour Ranger maintenant. Maintenant, c'est relégué sur Gulli ou sur des petites chaînes, c'est plus sur TF1. TF1, on ne veut plus, ça ne marche pas aussi bien. Et alors, et dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le cinéma, mais je vous en parlerai juste après une petite première pause. Voilà, histoire de faire une petite pause. Et justement, on va reparler justement de cette pause. Donc, je ne dis pas ce que c'est parce que nous avons un petit conflit sur l'origine du jean, Chris et moi, dont on vous fera part juste après la diffusion de ce truc. Voilà. Somebody Alors les plus attentifs d'entre vous, déjà ceux qui suivent Génération Manga, ils savent déjà puisque j'ai déjà passé. Mais pour les plus attentifs d'entre vous, si vous avez regardé la version française de Metal Dare, alors là aussi il faut en parler parce que on a certes eu les Sentai ou les Tokusatsu originaux, mais il y en a certains qui ont subi une modification de leur BGM, de leur musique de fond, voilà, comme Sankukai. Parce que la version originale de Metal Dare, il y a un grand monsieur quand même. Eh oui, c'est quand même Seiji Okoyama, quoi, Monsieur Senseiya, quoi. Excusez du peu, qui a fait une super BO d'ailleurs, disponible, enfin, à l'époque était disponible, maintenant on le trouve encore, mais assez cher, sur des sites d'enchères notamment, double soundtrack. Absolument, mais je l'ai, celui-là. De qualité que tu as. Que j'ai également. Et donc, par contre, ces musiques, oui, comme tu le Elles ont été inexplicablement, au début, on ne savait pas, remplacées en France et on se demandait pourquoi. C'est quoi, parce cette BO, là, ce parce truc, que c'était au Club Dorothée. Le Club Dorothée achetait donc tout ce qui était au coup de la Toei et nous le passait tel quel. Bon, il modifiait. En général, quand il y avait une chanson japonaise, il l'enlevait et il mettait soit une version française comme Spiel Van Ralenti, par exemple, ou d'autres musiques issues d'autres séries, donc on ne comprenait pas trop. Et puis là, c'était carrément une autre BO et pendant longtemps, ça a été un grand mystère. Donc, mystère résolu maintenant. Et donc, la musique, la chanson que vous venez d'entendre, on entend la musique à l'intérieur de Metal Dare. Oui. Et donc, je pensais que c'était donc le générique américain de Metal Dare et que là-bas, aux US, ils l'avaient appelé Megaman. Et ce, parce qu'ils ont récupéré les droits avant de faire VR Trooper. Ça devient compliqué. Alors, Chris, est-ce que tu peux nous dire tout bien comme il faut Alors, on va essayer de dénouer les fils du mystère. Donc, effectivement, on entend cette musique dans Metal Dare. Pourquoi donc tu l'as rappelé, c'est Saban qui détient les droits donc à l'époque. Voilà, c'est Shuki Levy qui chantait la chanson. Si vous Shuki Levy fait donc des musiques pour la série. Comme il avait fait pour les Cités d'Or. Et il se trouve que, par contrat, c'est Saban qui a revendu aux Français Metal Dare. C'est pour ça qu'on entend les musiques. Ce qu'a fait après Shuki Levy, il l'a recyclé en interprétant donc le générique, comme tu le soulignes, pour Megaman, la série Megaman. Le vrai Megaman, le héros. Donc, le truc en premier, c'est la musique de Metal Dare. Complètement. Bien. Voilà. Et il l'a recyclé, il a écrit des paroles pour le générique de cette série Megaman. Megaman, vous connaissez le héros de Capcom de, sur voilà, Nintendo. Voilà, de Capcom, de Nintendo, etc. Donc voilà, pourquoi du comment sur les deux, d'où le quiproquo. Donc c'est bien Megaman, c'est pas un générique de Metal Dare. Et ils ont pas c'est du tout un BGM Metal en fait Dare, de Megaman Metal Dare et qui a été utilisé en premier pour Metal Dare. D'accord. C'est pour ça qu'on le retrouve dans la série, qu'on l'entend effectivement. D'accord. Donc tendez bien l'oreille, comme tu as dit, si vous rematez la série. Ça non, parce que c'est une musique comment. Récurrente, elle est à chaque fois qu'il y a un combat. Quoi. Et vu que c'est Saban qui a revendu aux Français, c'est pour ça que les musiques, comme c'est chez Saban on fait les musiques, on a eu cette version-là et pas la version originale. Donc en gros, Saban, si je comprends bien, il avait les droits de Metal Dare avant de faire VR Trooper, mais exactement. Il n'en a rien fait aux US, mais il a revendu la série par contre en France, parce que j'imagine ce qui s'est passé, c'est que le Club Go voulait acheter tous les trucs de la Toei, ils ont vu Metal Dare sur le catalogue et Toei a dû les renvoyer vers Saban en disant oui, mais ces trucs-là, celui-là, on peut pas vous le vendre parce qu'on a déjà donné une option à Saban. Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Monsieur Azoulay, qu'on posera à l'occasion. Ça peut être une éventualité, en tout je cas. Il se rappelle de ce genre de détails, il s'en fout pas mal, mais bon. Au cas où, on lui posera la question. Mais moi, à mon avis, c'est ça l'histoire. C'est parce qu'en fait, Toei pouvait pas leur vendre parce qu'ils avaient. Non, Saban façon, avait déjà mis une option dessus. Contractuellement, ils n'avaient pas le droit de vendre donc cette série. D'ailleurs, si vous tombez sur le contrat d'exclusivité qui fait une centaine de pages et qui est rédigé en anglais, il y a une annexe intéressante où il y a toutes les séries dont Saban détient les droits exclusifs, comme on l'a dit, hors Asie. Et donc Metal Dare figure dedans. On a les dates puisqu'il y a ce qu'on appelle des avenants. Alors c'est un contrat qui a perduré pendant des années. Et donc je ne sais pas si c'est tous les 6 mois, hein, peu importe. Mais régulièrement il y avait des avenants, donc des ajouts de série, on va dire des effets contractuels qui étaient modifiés, etc. Donc pour les puristes c'est un document qui est intéressant. D'accord. Où on apprend beaucoup de choses, on comprend le pourquoi du comment. Il y a toujours plein de mystères comme ça, hein, plein de trucs qu'on se demanderait bien. Tu vois, on essaie de dénouer un peu les fils du mystère. On finit par arriver à trouver un petit peu quelque chose. L'autre mystère à résoudre maintenant, c'est le mystère Magic Tickle. Parce que Magic Tickle, ce qui est donc une série de Gonagai, hein, oui. Qui est passée brièvement au Club Dorothée. C'est une magicienne un petit peu délurée, on va dire. Et donc, les musiques ont aussi été changées. En France, est remplacé par, pour le coup, des musiques Madinabé. Donc, en gros, c'est des musiques que tu entends dans les garçons, quoi. Donc du même tonneau, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tu sais, toi, ou c'est pas encore mis à plat, cette histoire? Alors, pourquoi ils ont changé les musiques? Ça, je ne sais pas. Après, simplement, donc, Gérard Salès avait fait des musiques. Il en fait énormément, en fait. Gérard Salès, c'est quelqu'un qui compose... sans arrêt. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pareils. Hein. On lui reproche souvent de faire les mêmes. Hein. Il a ce qu'on appelle une bibliothèque sonore. Donc, toutes ses compositions, les thèmes qu'il enregistre sont inclus dedans. Et pour certaines séries, il a pioché dedans. C'est le cas pour Magic Tickle. Alors, pourquoi ils ont fait ce choix alors et qu'il pourquoi ne l'avait sur pas cette fait pour d'autres, là, par exemple voilà. Parce que Chéri Miel, on a des musiques. On a les vrais, etc. Oui. C'est une très bonne question. Bah oui, ça. Je ne sais pas pourquoi cette série en particulier, parce qu'elle n'est pas transcendante. D'ailleurs, elle n'a pas marché au Club Go. Elle est non, déjà vieille en plus. C'est pour ça qu'on n'a pas eu donc, beaucoup de... Pourquoi ? Je ne sais pas. Ou peut-être que les Japonais n'ont pas fourni le master international pour cette série parce qu'ils ne le trouvaient plus ou que sais-je. Hein. Logiquement, pour ces séries-là, ils ont les versions... les Japonais, ils ont une version, ce qu'on appelle la version internationale, où on a différentes pistes qui sont découpées. Voilà, oui, je vous rappelle qu'il y a les musiques et les bruitages. Voilà, exactement. Donc, elle est identique. Donc logiquement, ils auraient dû utiliser celle-ci. Mais oui, mais c'est encore donc, des mystères. Je ne pense pas que ce soit un problème issu des Japonais. Bon, enfin bref. Donc vous inquiétez pas, on est sur le coup de toute façon. On trouvera. S'il y a moyen de savoir, on saura. Hein. Voilà, exactement. Donc on arrive à Power Rangers au cinéma, parce que c'est pas la première fois que Power Rangers est au cinéma. Il y avait déjà eu des films Power Rangers. Donc le premier était assez bien parce qu'ils avaient quand même mis le budget par rapport à la série. C'est-à-dire qu'ils avaient refait les costumes, là pour le coup, plus en dur. Ça faisait plus armure. Et ils avaient fait carrément le robot en synthèse à l'époque, et ça avait un rendu pas trop mal. Donc le premier film de Power Rangers, oui, en image synthèse, oui. Mm-hmm. Et donc le premier film Power Rangers, c'est celui où ils abandonnent leur costume de Zyulenja pour devenir des ninjas, parce que en fait la série d'après au Japon c'est Kakulenja, donc une série de ninjas forcément. Et donc pour les Américains, faire les Power Rangers en ninja, ils étaient pas trop chauds. Donc en fait, ils n'ont pas utilisé ces costumes-là directement, ils s'en sont servis pour faire des Power Rangers extraterrestres, donc je te raconte pas le truc. Donc apparemment, il y a 10 épisodes où tu voyais apparaître ces soi-disant Power Rangers extraterrestres, donc avec les costumes des Kakulenja, mais les vrais héros, eux, ne se transformaient pas avec ces costumes-là, ils mettaient simplement une tenue de ninja de base, tu vois, donc camouflée. Et après, donc ils sont passés à Olenja, et donc c'est devenu Power Rangers Zeo. Et ouais, donc cette transition-là, ça se passe dans le film, donc... Et c'est dans le nouveau film, tu veux dire. Non, je te parle du vieux là. Le premier, on est le premier. D'accord. Donc dans ce premier film, donc c'est là qu'ils ont pour la première fois donc le robot des Kakulenja. OK ? OK. Voilà. Et donc ça a pas trop marché. Après ils ont fait un deuxième film qui était sur Power Rangers Turbo, mais qui concrètement n'est qu'un téléfilm, hein. Tu vois pas de différence de budget, tu vois pas par rapport à un épisode, ça changeait pas grand-chose. Donc c'est certains films, il est sorti au cinéma là-bas mais pas chez nous, chez nous c'était un direct ou vidéo. Mais tu sens pas que c'est un film quoi. Donc celui-là, moi je serais tenté de dire c'est un téléfilm plutôt, mais bon, officiellement c'est censé être un film, même s'il n'y a pas le budget. Bon, et puis donc ils avaient arrêté de leur connerie au cinéma, voilà. Et donc là on revient à Power Rangers, et là on veut clairement avoir une autre cible. Alors j'ai eu un petit débat sur les gens, parce qu'il y en a plein qui voulaient emmener leurs enfants, et c'est pas un film pour les enfants. Ah, tu m'inquiètes là, logiquement les Power Rangers c'est oui, 100% mais... family. Ah mais c'est, je dis pas que, attention, quand je dis que c'est pas pour les enfants, je dis pas qu'il est interdit moins de 18 ans non plus. Faut s'entendre, hein. Non mais je veux dire que c'est pas ciblé gamin, il y a un vrai scénario, il y a un vrai truc, et c'est plus un teen movie en plus, c'est plus un film pour adolescents, tu vois. Parce que en fait pendant la plupart du film, donc alors, attention, je vais vous parler du film. Alors si vous voulez pas que je vous raconte trop de spoil, fermez vos oreilles. Hein, parce alors que, rassure-moi quand tu dis c'est pas pour les enfants, c'est plus voilà pour la complexité du scénario. Il y a pas d'histoire de violence extrême. Non. Ça peut être un peu violent pour les gosses à un moment, mais c'est pas extraordinaire. Pour nous, c'est du pipi-tcha, je veux dire. Ah, c'est d'accord. Pas, c'est quand même tout public, hein. Évident. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être les enfants vont s'ennuyer, c'est ça. Parce que si vous voulez de la baston, je vous le dis franchement, hein, si vous voulez de la baston, que ça soit dans tous les temps et le robot géant, vous allez attendre la fin du film. Hein. C'est exactement comme je le pensais. C'est un peu comme Godzilla, le dernier Godzilla, tu vois. T'as une heure où il se passe rien, et après seulement la dernière demi-heure, et commence à se passer quelque chose. Power Rangers, le film, c'est ça qui se passe. C'est exactement ce que je m'attendais. Ce que c'était, ça a été ça, ça a pas loupé. Alors est-ce que c'est pas un peu embêtant justement, vu que la plupart des fans, ils vont pour voir du combat surtout. Ah bah si tu veux voir pour voir du Power Rangers, n'y va pas, parce que tu t'en verras qu'à la toute fin. Et tu risques d'être déçu. Par exemple, les castagnes contre les patrouilleurs, tu sais, les petites merdes, ça dure franchement 5 minutes à tout casser, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a donc dans ce film s'il n'y a pas de combat avant la fin? Eh ben, c'est ce qui est bien, c'est qu'ils ont bien développé le truc. C'est-à-dire que contrairement à la série où, en gros, dans les premiers épisodes, les gars, ils ont un pouvoir, et puis direct ils savent s'en servir, direct ils savent se transformer, direct ils savent utiliser le robot géant. Et ben, pendant une heure et quelques du film, et ben, ils apprennent à utiliser leur pouvoir, et puis ils y arrivent pas, quoi. Normal, ils n'arrivent pas à se transformer, il leur faut très longtemps pour arriver à se transformer, ils n'arrivent pas trop à négocier les ordres non plus. Quand ils font le gatai, c'est-à-dire la transformation du robot géant, c'est par hasard, ils ne savaient pas le faire, c'est que ça s'est fait tout seul. Je veux dire, quelque part, c'est bien parce que c'est plus cohérent. C'est normal, si toi tu trouves un joyau magique et que tu machines tout, toi aussi à mon avis tu vas en chier. D'abord il faut t'entraîner un petit peu aux arts martiaux, savoir un petit peu te défendre, avoir l'esprit combatif pour pouvoir transformer. Donc on est plus dans le cas de l'apprentissage finalement. Ouais, de... c'est ça. Voilà, de l'évolution, on va dire, des personnages. C'est ça, et en plus, donc avant, tu mets bien les personnages en situation, donc c'est des adolescents avec des problèmes d'adolescents, hein. Donc ils sont mis en colle, ils ont des soucis amoureux et machin truc. Alors ce qu'il faut savoir aussi, alors j'imagine que c'est par crainte de polémique, c'est que il y a des histoires, tu sais, les premiers Power Rangers, le Ranger noir était un noir, la Ranger jaune était une asiatique, tu vois, donc alors pour pas qu'il y ait cette polémique, ils ont inversé les rôles. Oh là là. Donc du coup le noir il est bleu et l'asiatique il est noir. Donc tu vois, je trouve ça débile, ça sert à rien du tout, mais bon, sachez-le. Donc voilà, donc ils reprennent les personnages au moins nommément que l'on connaît, c'est-à-dire que donc Billy c'est bien le bleu, mais donc c'est le black. Et Zach, c'est donc l'asiatique, ok. Et donc Trini est donc caucasienne, et puis Kimberly et Jason, ils restent normaux, on va dire. Hein. Ouais, blanc, quoi, caucasien. Donc c'est une inversion un petit peu pas nécessaire. Par contre, ce qui est bien, c'est que en fait Zordon est un ancien Power Ranger, donc qui a échoué. Et Rita Repulsa aussi, c'est une ancienne Power Ranger qui est devenue méchante. Et la Rita Repulsa qu'on l'envoie dans le film, elle a rien à voir avec celle qu'on connaît dans la série. Donc en gros, si vous êtes méga fan, dommage pour vous, de la première saison de Power Ranger, vous allez absolument pas retrouver les codes ou les personnages tels que vous les imaginez. Donc ça c'est une bonne chose. Finalement, est-ce que c'est pas un film qui est plutôt réservé aux non-fans, j'ai envie de dire? Bah, c'est pour acquérir des nouveaux. Voilà, donc des nouveaux plutôt fans. Pour des novices, ouais, qui veulent avoir un petit peu une idée de ce qu'est Power Rangers sans trop l'avoir testé, on va dire. Voilà, par exemple, ça peut être. Alors, ils ont vraiment une fine touche à la fin. D'accord, hein. Une fine touche. Très, très fine touche à la fin. Et, mais si, ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait faire justement un Power Ranger pour d'autres gens. Pas pour ceux qui connaissent déjà Power Rangers, parce que voilà, quoi, ça t'apporterait rien par rapport à ce que voit la télé, quoi. Sauf un peu plus de budget, mais bon. Non, moi, je trouve que, moi, j'étais agréablement surpris, j'ai trouvé bien le film. Bon, c'est pas le film du siècle non plus, on va se détendre, hein. Mais c'est sympathique, ça passe bien, tu te fais pas chier. Il y a beaucoup d'humour, parce qu'il y a des pics adolescentes, tu vois, des jeux de mots, des trucs comme ça. Donc, tout le monde se marrait par rapport à ça. Et si les gamins sont dans la salle, ils vont se marrer par rapport aux jeux de mots. Pas par rapport à ce qui se passe, parce que bon, après t'as les coups classiques, bon, quand ils essaient de faire des sauts et qu'ils se mangent par terre et compagnie, bon, bah voilà, c'est un petit peu. Donc finalement, moi, c'est la gueule, un quoi. Film que tu conseilles au public. Oui, alors je le conseille au public, par contre, si tu es fan accro de Power Ranger, tu vas être déçu. D'accord, donc les fans hardcore, sauf si vous êtes vraiment boulimique de Power Ranger, abstenez-vous. Voilà, alors après, il y a toujours le débat, moi, comme tout le monde, je suis d'accord sur le fait que les costumes sont pas beaux. Donc après, c'est une question esthétique. Et alors, autre chose alors qui va me faire un petit peu tiquer, c'est parce que si vous êtes fan de Power Rangers et de Sentai, bon, déjà, la première chose, et ça, j'y tiens, c'est que la grosse différence entre les Japonais et les Américains, bon, ça tend à changer à cause des Américains, parce que du coup, les Japonais se laissent influencer. Mais t'es d'accord avec moi que Bioman, quand il se transformait. C'est-à-dire, ils ne mettent pas un costume. Exactement. Ils se transforment. J'insiste bien là-dessus. Et malheureusement, à cause des Américains, maintenant, ils se transforment pas. Ils mettent un costume. C'est-à-dire qu'ils enlèvent leur casque ou des trucs comme ça. Alors certes, dans Jetman, tu avais un moment où tu as le Black Condor qui a son casque pété et donc on voit ses yeux à travers. Et donc là, forcément, de fait, il n'est pas transformé puisque son casque est pété. Mais bon. Mais avant, ils faisaient pas trop ça. Et maintenant, ça gâche un petit peu la magie, finalement. Voilà. Et alors là, c'est encore pire. Parce qu'ils ont carrément le casque avec le visage amovible, si tu veux. Et en fait, les trois quarts du temps, ils ont le visage qui est découvert. Et tu vois leur tête. Donc en fait, masqués vraiment en transformé en Power Ranger, dans tout le film, ils doivent l'être à peu près 2 minutes. Tout le reste du temps, je te dis, ils ont, on voit leur visage, quoi. Il faut absolument qu'on voit leur visage. Alors tu nous as parlé du scénario, de l'aspect général, on va dire. Parle-nous maintenant de la réalisation. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation ? Alors moi je suis pas très critique sur ce point de vue là, je veux dire tant que c'est pas mal fait, ça me va. Donc sur la réalisation, elle est honnête, elle est comme un blockbuster normal, hein. J'ai pas trouvé à redire. Ouais, donc c'est bien fait, c'est dans la lignée de ce type. Et au niveau, on va dire, bande sonore, est-ce que ça le fait, est-ce que alors, c'est un gros bah, manque? Bah c'est une musique anecdotique, donc tu la voilà, remarques donc pas. Voilà, c'est pas terrible. Voilà, pour résumer. Alors si vous attendiez à entendre Go Go Power Rangers dedans, sachez que vous allez l'entendre, mais vous allez l'entendre 1 minute. Et encore une minute, je suis peut-être large, hein, c'est peut-être un petit peu moins. Donc vous n'allez pas l'entendre beaucoup. Hein. Alors est-ce qu'on a déjà des retombées radioactives? Non, pas radioactives, des échos de ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport au film. Est-ce que ça a marché au box-office? Apparemment, ça marche bien. Et ils auraient envie d'en faire 6 autres. Alors, oulala, mon Dieu. Alors, je ne serait-ce pas trop. Je sais pas. Oui, je pense un peu. Il s'excite peut-être un petit peu là-dessus, mais là, bon. Ça relève, je pense, une envie de matraquer la licence pour faire plein de produits dérivés, pour se faire plein de. Ah, de toute façon. Alors, je voulais terminer sur un truc aussi par rapport au robot géant. Il y a une innovation par rapport au robot géant parce que les 3/4 du temps dans un Sentai, ils sont tous dans le même cockpit et ils contrôlent le robot en entier. Là, en fait, ils sont chacun dans une partie du robot. Comme pour Voltron, c'est-à-dire qu'il y en a un qui commande une jambe, l'autre un bras, et donc en l'occurrence quand le gars il arrive pas à contrôler la jambe, qu'est-ce qui se passe? Ben le robot se casse la gueule. Donc ça je trouvais que c'était sympa, et ça renouvelait un petit peu, c'est assez original, c'est sympathique. Donc en fait ils ont essayé plein de petits trucs originaux et ça c'est bien, je trouve que c'est très bien. Quant au fait d'avoir une franchise de 6 films, ce qui va se passer, c'est qu'au moins dans le prochain film, ils seront déjà Power Rangers. Donc ça risque du coup de se bastonner un peu plus et de faire un peu plus comme avant. Donc peut-être que les fans seront un peu plus contents avec le 2. Ensuite, ce qui est les échos que j'ai eu des fans de Sentai, ils ont plutôt aimé le film. Donc du coup, c'est comme moi, ils en attendaient pas grand-chose parce que Power Rangers, et puis ils sont plutôt agréablement surpris parce que c'est pas un film Power Rangers, mais c'est un film agréable à regarder. Donc voilà ce que j'ai à en dire. Voilà, donc c'était à vous de vous faire votre propre avis. Après, vous y allez, vous allez voir. Si vous êtes un petit peu curieux, allez le voir et puis faites-nous part de votre ressenti. Test dédié, à tester, pourquoi pas. Voilà, finalement, pour résumer. Oui, tu peux y aller. Au moins, c'est pas une merde, c'est pas une dope, tu vas pas te faire chier, c'est déjà ça. Et crois-moi que ça arrive, hein, qu'il y ait des films pas bien. Comme je le disais la semaine dernière, j'ai pas spécialement aimé Rogue One, par exemple, de Star Wars. Alors, tout le monde faisait un pas de taquet, j'ai trouvé ça plutôt soporifique, c'est pour te dire. Et je me suis pas fait chier à Power Rangers. Donc, c'est pour donner une idée, voilà. Donc, sur ce, petite pause musicale. Petite pause musicale. Alors là, du coup, on va s'écouter, la vraie chanson française de Metal d'air de Jean-Paul Césari. Notre ami Jean-Paul Césari. Voilà, et donc composée par Gérard Salès, of course, et puis avec des musiques, bien entendu, de notre grand ami Azoulay. Non, inverse. Gérard Salès, compositeur, donc musique. Oui, c'est ce que je viens de dire. Les paroles de monsieur Azoulay. J'ai dû l'absucer. Jean-François. Pourri. Voilà, sur le pseudonyme de Jean-François Pourri. Et il paraît qu'il voulait déposer Jean-François Pourri, mais que c'est SSM qui a mal lu. Oui, ceci étant, ça aurait été un petit peu... Ouais, mais c'était pour faire le pied de nez, tu vois. Oui, quoique vu certaines mélodies, voilà. Certaines chansons, je veux dire. Moi, je disais Salas et Pourri, donc tu vois, ça en est pas mal. Ou Pourri, voilà. Bon. Pourri et Salas. Metal d'air, notre ami Jean-Paul Césari, voilà. Yes. Un grand savant donner le jour pour défendre la paix, la joie et l'amour. Héros glorieux, tu te bats sans fin, tu mets ta force au service des humains. Métal d'air, métal d'air, tu n'es pas de chair et de sang. Métal d'air, métal d'air, pour les hommes tu te bats pour. Métal d'air, même si ton Voilà, voilà, Metal Dare, Metal Dare. Notre ami Jean-Paul Césari, qui maintenant fait partie de la... comment ça s'appelle déjà ? Générique TV Party, c'est ça ? Générique TV Party. Notre ami Rui. Donc on verra les prochains opus quand ça aura lieu. Voilà, voilà, voilà. Alors on a un petit peu de nouvelles. Vous savez qu'il y a la Gloobie Boulga Party donc, le 1er juillet, c'est ça hein ? Je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est le 1er juillet au Grand Rex, donc à Paris. Voilà, et donc vous savez, je vous rappelle un peu les faits, que notre ami Michel Barouille n'a pas été... Enfin, il était pressenti pour en faire partie, voilà, et puis finalement, il a été annulé. Et entre-temps, on a appris donc que des gens seront là. Je rappelle aussi l'excuse officielle que, soi-disant, Michel Barouille n'est pas assez connu. Et donc, il faut rappeler une chose importante quand même. Ça, je tiens à le dire. Dis-le. Michel Barouille, notre ami Michel Barouille, c'est quand même, on va dire, le précurseur en termes de générique. Alors, je ne parle pas forcément d'animé. Il ne faut pas oublier que le premier générique que Michel a enregistré, c'était Les Pieds au Mur. Hein, donc, et ça, c'était une émission de télé qui a duré une saison. C'est un générique, oui. Et ça date de 1975. Mm-hmm. Donc, on peut considérer, moi d'ailleurs, je considère, parce que c'est le premier en disque en tout cas, chanteur de générique, dans son ensemble générique, dans son ensemble de générique télé. Donc, c'est vraiment le précurseur. Après, il y a eu Vicky, Sport Billy, La Bataille des Planètes. Le Tour du Monde en 80. Exactement, ça, c'est un petit, les années 80. Michel, il a énormément de génériques à succès à son actif. Il y a eu Les Mousquetaires, Judo Boy, tu l'as dit. Bioman, le tout premier Bioman. Le même Bioman, l'original. Et j'en passais des meilleurs. On pourrait Il fait pas mal de concerts depuis quelques années maintenant. Donc, même si on le connaissait peut-être pas forcément avant, maintenant, il est un peu plus... Dire que le pionnier du générique en France, en tout cas du générique... N'est pas assez connu, c'est too much. N'est pas connu, oui, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et alors là où ça devient ridicule, c'est quand, à contrario, on invite Monsieur Chevalier, qui était l'interprète des Visiteurs du Mercredi ou des Visiteurs de Noël. Alors là, Visiteurs de Noël. Voilà, Visiteurs de Noël. Et donc là, pour le coup, je suis désolé, mais lui... vachement moins connu que Michel, pour le coup. Alors, après, on me dit que lui ne va pas chanter. Il va venir juste pour raconter des anecdotes. Mais ça change pas le problème. Ça change pas que l'excuse de la notoriété. Voilà. Bref. Alors, il y a un autre détail qui me gêne. Je l'ai déjà dit, mais je tiens à le redire. Eh ben, redisons-le. Parce que ça m'agace fortement. Donc, je ne me prive pas. On a une affiche de cette soirée où on voit des personnages, donc sur la dite affiche, qui s'appellent Sport Billy, Vic le Viking, et un des protagonistes, donc c'est Marc, de La Bataille des Planètes. Donc des génériques interprétés par Michel. Des génériques interprétés par Michel. Et on dit que voilà, il ne vient pas, il n'est pas connu. Donc je ne comprends pas pourquoi ces personnages sont sur l'affiche, puisqu'ils sont représentatifs de séries de l'époque, série dont Michel interprétait le générique et donc il aurait très bien pu le faire dans cette fameuse soirée. Donc là, il y a chercher l'erreur, mais il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Il y a un bug, il y a un schmilblick. Il y a une couille dans le potage. Alors sinon, par contre, on a appris que notre ami aussi, Jean-Pierre Savelli, sera là. Lui, il interprétera bien des génériques. Donc là, je veux bien que Jean-Pierre soit plus connu via Peter Eslone, d'accord. Mais voilà quoi. Bref. Je dis ça, je ne dis rien. Il va peut-être nous interpréter des génériques qu'il a repris, dont il n'était pas l'auteur, l'interprète original, au départ, comme Albator, par exemple, qui reprend dans ses soirées. Mais il avait quand même fait une version déjà à l'époque, même si c'était pas lui à la base, et c'était Eric Chardin. Voilà. Oui. Bon, par contre, c'est le vrai chanteur, bien sûr, d'Ixor, et d'Une fois l'espace, et de génériques de Goldorak, La Légende d'Actarus, et Le Prince de l'Espace. Sous le nom des Goldies à l'époque. Sous le nom des Goldies, absolument. Les 45 tours que... vous, collectionneurs, vous avez tous, forcément. Oui, il n'est pas trop dur à trouver, ça va. Donc voilà, affaire à suivre, on vous tiendra au jus au fur et à mesure de ce qu'on saura par rapport à toutes ces petites histoires. Alors, nos amis de Télé 80 se préparent de faire un nouveau coup, si je puis dire. Donc, je vous rappelle, bien sûr, que les trois derniers CD, donc sur les Tokusatsu, en l'occurrence, puisqu'on parle ça, donc avec les génériques de Metal Dare, entre autres, et puis tout ça, tous les Bioman, tout ce qu'il y avait avant Power Ranger, quoi. Un Goldorak et un 831 sont toujours disponibles, hein, donc... achetez-les avant qu'il n'y en ait plus, parce que ce sont des bons CD, bons Dieu, avec un bon contenu, avec des inédits, avec des trucs rares, avec une bonne qualité de son. Je pense que tu es d'accord, tu n'as rien à redire. Non, du tout. Et puis c'est bien une exception, parce que comme vous le savez, le marché du disque se meurt. CD est très difficile. Le CD, il ne faut pas s'en cacher, est en train de mourir. Il se vend de moins en moins de CD, hormis de rares exceptions dont on ne parlera pas. Style M. Pokora, enfin bref. Et ces reprises horribles de Claude François. Voilà, mais on n'a rien dit. Je dis rien. Voilà. Mais donc pour les, on va dire, voilà, pour tout ce qui est, on va dire, hors marketing, ça devient de plus en plus difficile. Le CD ne se vend plus. On a encore donc l'équipe de Télé 80 qui a le courage, la motivation pour sortir des CD pour les collectionneurs, mais aussi des choses quand même assez, assez rares. Et donc, les trucs qui ne sont jamais sortis en CD la plupart du temps. Voilà, donc c'est quand même dommage de ne pas encourager ça. Ne suivent pas. Croque Vacances, il nous l'avait annoncé, ça fait des années maintenant. C'était un petit peu compliqué. Tu viens de spoiler là, je n'avais pas dit encore. Ah, pardon. C'est le nouveau. Donc dans 30 jours, on aura Croque Vacances. Voilà. C'est le nouveau titre qu'ils vont sortir. Ils ont enfin eu les droits depuis quelques temps. Ils ont travaillé tout ça. On aura donc les génériques, les chansons de Claude Pirard, les chansons. Et c'est vrai que c'est super rare à trouver Isidore ça. Isidore et Clémentine. Voilà. Sur le disque. Achetez-le parce que. Encouragez ça. Et puis en plus, vous n'avez pas les chansons. Rendez-vous, ça sera le dernier CD de la collection. Vous les avez pas les chansons. Même moi qui suis collectionneur, j'en ai un ou deux que j'ai réussi à trouver, mais c'est introuvable quoi. Les trucs d'Isidore et Clémentine, c'est balèze hein. Je les ai vus qu'une seule fois hein, ceux que j'ai. Donc. Alors, c'est compliqué parce que sur ces disques. Je prends notamment le cas des disques d'Isidore. Ils sont sortis sur des maisons de disques différentes. Le deuxième, par exemple, qui a un 4 titres. Alors, c'est marrant, ils avaient refait un peu le principe des super 45 tours des années 60, est sorti chez Vogue. Voilà. Alors que le précédent était sorti sur une autre maison de disques. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, les deux sont rares, parce que les deux, je les ai trouvés qu'une seule fois. Le premier, c'était Préhistorock. Oui, mais je l'ai celui-là. Mais j'ai vu qu'une fois. Hein. Avec le blues du lapin, en fait, si je ne dis pas de bêtises. Et donc Isidore tout seul. Et le deuxième 45 tours, 4 titres, Isidore avec Clémentine. Voilà. Et puis, il y avait aussi. Puis, il y a aussi la chanson Il fait beau, il fait chaud, et on ne va pas travailler. Prends ton seau, ton râteau, va faire des pâtés dans l'eau. Ça, pour les nostalgiques, voilà. Sur le CD. Ça, c'est super dur à trouver. Donc, les vinyles, il y a peu de chances que vous les ayez. Et puis, alors, une qualité de son, machin. On sait s'ils ont eu les masters ? On demandera ça à nos amis de Télé 80. On va se renseigner. C'est toujours difficile. C'est des titres délicat, qui ont probablement, comme beaucoup, disparu. Hein. Notamment, il y avait certains titres, alors de mémoire, sans dire de bêtises, le premier 45 tours, justement, d'Isidore était chez Carrère, sachant que Carrère a été vendu depuis des années et qu'ils n'avaient pas conservé la plupart des bandes. Ça me paraît compliqué. Alors déjà, ils ont des disques, c'est déjà beau, hein, parce que même moi, je ne les ai pas tous, alors, pour te dire. Et pourtant, je trime depuis pas mal de temps. Il y a peu de chances que ça soit fait avec les masters. On vous dira confirmation quand on aura... Enfin, de toutes les façons, vous ne trouverez pas mieux, de toute manière. Non, non, de toute façon, ou vous ne trouverez pas du tout les disques, ou alors à des prix exorbitants. Donc, ça sera l'occasion pour le prix d'un CD d'avoir ce super best-of de tous ces 45. Donc, il faut encourager parce qu'en plus, il y a dans les tuyaux une super compilation avec en gros, je ne sais plus combien il y avait de titres, 80 ou 100, enfin, une grosse compile qui prépare avec que des trucs qui ne sont jamais sortis ou en CD ni rien, que des trucs rares, que des trucs introuvables de la mort qui tue. Donc, et qui se fera que si celui-là il se vend, parce que comme je vous dis, les trois derniers, malheureusement, ne se vendent pas trop. Alors, profitez-en pour vous y mettre. Attendez pas qu'il n'y en ait plus et puis qu'après, sur eBay, ça monte à des prix pas possibles. Parce que ça leur profite pas à eux, ça profite aux petits margoulins, donc voilà, qui ont été plus intelligents que vous et qui l'ont pris quand c'était le moment. Donc moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Voilà, sur ce, je vous laisse entre les mains de l'ami Eddy. Je vous laisse car j'ai un invité qui m'attend dans le studio d'à côté. Voilà, donc à bientôt, donc à la semaine prochaine. Voilà, et puis sinon, si pour ceux qui écoutent directement sur campus, vous retrouverez notre ami Chris d'ici une vingtaine de minutes avec donc son invité dans My Croque Maestro. Voilà. Donc on va s'écouter un petit peu de Zikmuth Power Ranger quand même, puisque on parle de Power Ranger depuis tout à l'heure, et puis on met pas. Donc c'est une reprise metal du générique de Power Ranger. Alors, ça va déposer grave dans les chalets. Power Rangers, Power Rangers. We'll be right back. Wow, go go Power Rangers. Alors, si vous êtes fan de Power Rangers, pour continuer un petit peu l'aventure Power Rangers, sachez qu'il y a un comics qui vient de sortir en France de Power Rangers depuis la fin de la semaine dernière, qui reboot toute l'histoire. Donc c'est les débuts avec Rita, avec Tommy, avec tout le tralala, le Ranger vert, machin truc. C'est pas mal dessiné, ça coûte que 10 €, c'est cartonné, il y a quand même pas mal de pages. Tu as les 4 premiers épisodes américains dedans. Et j'ai pas encore lu, hein. Je sais pas, j'ai feuilleté comme ça vite fait. Donc je ne vais pas dire que c'est achetable, mais allez jeter un œil, puis vous jugez si ça vous intéresse de le prendre ou pas. Mais sachez donc qu'il y a cette petite actualité au niveau bande dessinée de Power Rangers. Hein. Donc ça a jamais été très très très bien servi par les bandes dessinées ces trucs-là. Hein. Donc voilà. Maintenant on va s'écouter le Super Sentai qu'on n'aura jamais, c'est-à-dire ma petite parodie que j'ai fait sur Zoolanger. Donc la chanson originale japonaise donc du Sentai japonais qui a donné Power Rangers avec les petites paroles à l'usage de Saban bien sûr. Power Rangers, le Super Sentai qu'on n'aura jamais. Zoolanger je veux dire. Super Sentai qu'on n'aura jamais, Zoolanger, Zoolanger, car c'est Saban qui nous l'a volé. Kyoryu Sentai, Zoolanger. Tous ceux que d'avant on les avait au club Dorothée. Jusqu'au jour où Saban a eu cette mauvaise idée d'adapter ses séries en enlevant les Japonais. Gardez pourtant nous, on n'avait rien demandé. Zoolanger, Zoolanger, c'est le Super Sentai qu'on n'aura jamais. Zoolanger, Zoolanger, car c'est Saban qui nous l'a volé. Kyoryu Sentai, Zoolanger. Que c'est devenu beaucoup moins bien après. Même si c'est vrai qu'on trouvait plus facilement les jouets. Même si tout d'un coup ils étaient bodybuildés. Gardez les vrais, moi j'aurais préféré. Zoolanger, Zoolanger, c'est le Super Sentai qu'on n'aura jamais. Zoolanger, Zoolanger, car c'est Saban qui nous l'a volé. Kyoryu Sentai, Zoolanger. Zoolanger, Zoolanger, c'est le Super Sentai qu'on n'aura jamais. Zoolanger, Zoolanger, car c'est Saban qui nous l'a volé. Kyoryu Sentai, Zoolanger. Allez, on se quitte avec le super medley Jibanjila et Jespion, donc un portugais qui est issu du Brésil, et on se retrouve la semaine prochaine, et ça sera pas Lars Nartigo.